complète, je vis et je ne me prends plus la tête. Se voit dans mon regard, dans mon attitude à ton égard. Ne nous égarons pas. Tu as mis la barre haut, je prends un nouveau départ. Ça promet, c'est une belle histoire. Allez, viens, on s'en va, on part.